À genoux, je fais mon choix, sans laisser que je me sente auprès de lui par la foi. Rêvé de sa bergerie, nul ne monte de sa main. Sur le monde, dans les prairies, oui, mon bonheur est divin. Oh, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans laisser, je veux être trop près de lui par la foi. Oh, à la croix, en pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Sans laisser, je veux être auprès de lui par la foi. Depuis longtemps, au choix splendide, la joie de demeure dans mon cœur. Adieu mes soucis perfides, par Jésus, je suis vainqueur. Adieu mes convoitises, immonde, le temps qui m'est en tâche. J'ai trouvé la paix profonde dans le sang de Golgotha. Oh, à la croix, au pied du maître, à genoux, je fais mon choix. Nous approchons de ton trône de grâce pour t'adorer. C'est la raison d'être pour chacun de nous ici-bas. C'est pouvoir t'adorer, te servir, t'écouter, te vanter, t'exalter, te témoigner de toi partout. Dans le nom de ta force, dans l'accomplissement de cette tâche, pour que chacun le fasse du mieux qu'il peut. À tout moment, en tout lieu, partout, Seigneur, chacun le fasse du mieux qu'il peut. Que l'esprit de vérité soit répandu dans nos cœurs pour nous enseigner les choses de Dieu, nous dépouiller du vieil homme, détacher de la mondanité, séparer de tout ce qui est tout péché, toute iniquité, les actes de l'incrédulité, susciter la foi, la foi de Jésus, une foi agréable à Dieu, une foi selon les écritures. Il fera couler les bénédictions de Dieu en nous. Le fleuve d'eau vive. Confirme la promesse. Relève-nous, Seigneur. Bien des fois, nous sommes faibles. Mais c'est toi notre force. Le bras fort, c'est toi. Sur lequel s'appuyer et compter. Que nous appelons sur la scène tout le temps. Nous ne savons pas ce qui nous convient. Bien des fois, nous tapons à côté. Mais c'est toi qui sais ce qui est bon. Sois notre guide à tout instant. Afin de nous débarrasser des inquiétudes, des stress de la vie. Des embarras, des angoisses, des soucis inutiles. Délivre tes enfants. Donne-nous la victoire. Parce que tu es le vainqueur. Tout puissant conquérant. Tu as vaincu à Golgotha. Tu as vaincu dans les sept âges. Tu vaincras au temps de la fin. Tu vaincras bientôt à l'enlèvement. Et tu vaincras au millénaire. Tu vaincras aussi à l'éternité. À tous les grands rendez-vous, tu n'as jamais raté l'occasion de démontrer ta grandeur et ta grande supériorité. Toute chose, toute créature, en tout lieu, que ton nom soit élevé, soit sanctifié, Seigneur, agrée nos prières, les chants d'adoration, les offrandes et tout ce que nous avons amené pour toi, agrée nous-mêmes. Au nom de Jésus-Christ, prêche l'évangile maintenant. Nous avons prié. Nous t'avons écouté. En privé. Maintenant nous voulons t'écouter. En public. Communie avec nous. Dieu compatissant. Pardonne nos péchés. Amen. Même ce que nous avons oublié. Dont nous ne sommes plus conscients. Mais toi tu vois tout et tu sais tout. Lave-nous avec l'hysope de la foi. Et nous serons purs et plus blancs comme la neige. Oh Seigneur, exauce le cri de nos cœurs. Compatissant et miséricordieux. Au nom de Jésus-Christ, nous prions ainsi. Amen. Nous allons lire la parole du Seigneur dans la Sainte Bible. 1 Corinthiens chapitre 12, le verset 28. Et Dieu a établi dans l'Église, premièrement, les apôtres. Deuxièmement, des prophètes. Troisièmement, des docteurs. Ensuite, ceux qui ont le don de miracles. Puis ceux qui ont le don de guérir, de secourir, de gouverner, de parler diverses langues. Penzambe atie ba oyoboye kati na lingomba, na liboso bantoma, na mibale basakoli, na misatu balakisi, na sima basali na bikamuseni, na sima babikisi, na sima basungi mpe, babongisi mpe balobi na maloba ndenge na ndenge. 1 Corinthiens chapitre 4, verset 9. Car Dieu, il me semble, a fait de nous apôtres les derniers des hommes, les condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde, aux anges et aux hommes. Po ete na banzie te nzambe abimisi biso bantoma na suka na molongo lokola bato bakitisami ete bakufa. Ete toza lande etali sili mpo na mokili, mpe po na banje, mpe po na bato. Ephésiens chapitre 1, le verset 1. Ba Efesa mokapo ya yambo molongo ya liboso. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles, en Jésus-Christ. Ngai Paulo, ntoma na Kristo Yesu mpona mokano na Nzambe. Na komeli babulami bazali na Efese mpe bandimikati na Kristo Yesu. Adieu bénisse la lecture de sa parole. Nzambe apambola botangi ya lobana ye. Je vous assure maintenant au nom merveilleux de Jésus-Christ. Kombona bikamo na Yesu Kristo. Dans lequel nom nous vous souhaitons la bienvenue à la table du Seigneur. Na kombo yango nde totombeli bino boye imalamu na mesa na nkolo. Bienvenue à la table du Seigneur. Boye imalamu. La nourriture de la parole. Na mesa na nkolo isika o mulia di boba. La nourriture pour l'âme. Molia o pona mwela. Et nous aimons ça. wana ne tolingaka. Que Dieu vous bénisse. Zambe apambola bino. Et que son nom soit élevé. Kombona ye ne tolama. Que son nom soit béni. Kombona ye pambolama. Qu'il soit sanctifié. Et boulissam. Ok. Bienvenue à cette table. Oui, il m'a la bonne mesango. Est-ce que vous vous sentez aussi bienvenu? Bon, il y a que malamo. Vous vous sentez bien heureux d'y être. Alors, la table du Seigneur. Ce qu'elle sert, la table du Seigneur, est délicieuse. Les méchants se lèvent et disent, oh, la table du Seigneur, elle est méprisable, et ce qu'elle sert, c'est dérisoire. Bato na kanza bango bako telema oh mesala nkolo ezayi loko mokote oh ba pesa lokuna na mesango ezayi likolo likolo eloko malongate. Donc c'est comme si la table du Seigneur vraiment c'est très décevant. N'était mesala nkolo penza ezayi sika mawa. Vous devez être le plus déçu possible. Oh koki koyuwa mawa koleka. Mais nous disons que non. Bisotro ba te. La table du Seigneur est délicieuse. Ezayi elengi ezayi. Elle est Kali. Délicieuse. Elle nourrit l'âme. Vous voyez bon, dans Malachie, c'est au chapitre 1er. Dans Malachie, mon capo, yambo. Dieu dit ceci. Un fils honore son père. Et un serviteur son maître. Si je suis père, Dieu demande, où est l'honneur qui m'est dû? Moi, dans mon bali, à Koukoumisaka Tatanaï. Yempe mwombo nkolo na ye. Kasi nzambe atuni. So kinde ngayi nazali tata. Wapi lukumu lubungi na ngayi. Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? So kinde nazali nkolo wapi botosi na kotosa ngayi. Dit l'Éternel des armées à vous sacrificateurs. Yawe. Qui méprisez mon nom. Yawe na bibele ya lobibongo epai na bino ye banganga ba oyo bazali nde kochola ka kombo na ngai. Et qu'il dit, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous le biete tocholi kombo na yo na nzela nini? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, vous les sacrificateurs, soi-disant serviteurs de Dieu. Bino banganga, vous allez kolobete vos basali na nzambe. Boko kabakande bilei na mbindo. Des prétendus serviteurs. Des supposés serviteurs. Qui êtes censé mieux connaître les choses de Dieu que ceux à qui vous prêchez. Vous offrez sur mon hôtel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi avons-nous profané? Et c'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Nanzela na koloba ete mesa na yawe ezali eloko na kocholama. Hein? Des serviteurs de Dieu qui disent ça. Basali na nzambe bakoloba kwa. Bongo bandini bakoloba nini? La table de l'Éternel est méprisable. Mesa na yawe ezali eloko ya kocholama. Versets 11 et 12. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Nzambi longwa na kobima na moyi kino na kolimwa na yango kombo na ngai ezali monene kati na mabota. Mais parmi vous qui pratiquez ma religion, qui rendez service à mon nom, bino, vous dites que la table de l'Éternel est méprisable. Mais pourtant, le même nom que vous méprisez, le même nom que vous profanez, le nom de l'Éternel là, du lever du soleil jusqu'à son couchant, là parmi les nations, c'est un grand nom. Un bino, nom qui est craint, respecté et redouté. Bino ovo omelomela kete bozali basali na nzambe bozali kolobete bino nde bayebi nzambe malamu kasi bozali kolobete mesa na nkolo ezali eloko ya kochalamu kasi kombo yango bozali kolobelwa na kati na mabota mobimba mongwana kobima na moyi kino na kolimwa na yango kombo yango ezali monene mpe bakobanga banga yango. Et c'est ce qui se passe avec les gens qui viennent à l'église. Ezali kosala mabongo na bato oyo bazali koyaka komikotaka na mangomba. Ils ont des fois la facilité de critiquer Dieu. Comme quoi il n'écoute pas les prières. Comme quoi il ne répond pas. Comme quoi Dieu n'agit même pas. D'ailleurs, les choses de promesses de Dieu, c'est toujours c'est des routines là où nous habitons. On nous oblige de dire. Amen. Mais dans le cœur, comme ça, moi j'ai pas Quand le prédicateur l'a dit, amen. Alors moi j'ai dit, que moi je en réalité, dans le cœur, je ne sais rien. Je ne sais rien. Mais pendant que vous dites ça de votre Dieu, minimisant le repas spirituel, l'évangile qui vous est servi. Là-dehors, les gens vous regardent deux fois. Ils vous trouvent étrange, exceptionnel. Ils disent, vous n'êtes pas comme tout le monde. Et votre Dieu, il est vraiment un Dieu particulier. Vous, on ne peut pas jouer avec vous. L'on vous craint. Mais vous, dit dedans, vous vous êtes habitué. Et vous dites, oh, mais Dieu n'agit pas. Il n'écoute pas les prières. Il s'est prié depuis longtemps. Et pourtant, nous sommes un royaume de sacrificateurs. Pour le Dieu vivant. Royaume de sacrificateurs. Nous sommes censés honorer son nom. Nous sommes censés bénir son nom. Nous sommes censés embrasser son nom. Jamais parler de son nom à mal. Mais nous être élevé. Il doit être sanctifié. Il doit être adoré. Par nous, dit dedans. Nous devons le faire. Il nous arrive de trop murmurer. De critiquer le Seigneur notre Dieu. Parler à mal de son nom. Parler à mal de sa parole et de son nom. On a prêché l'autre prédicateur là. Il a même beaucoup transpiré. Mais je n'ai rien compris d'ici. Au lieu même d'avoir honte de toi-même, tu t'enorgueillis et puis tu tapes les doigts. Dis, je n'ai rien compris d'ici. Les gens disent dedans. Mais là dehors, Dieu sait ce que les autres disent de lui. Et son nom dans son peuple. Le même Dieu d'Israël. C'est le même Dieu jusqu'à maintenant. Il n'a pas changé. Et les réalités du peuple de Dieu semblent toujours les mêmes. Car depuis le soleil levant jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Et l'on présente des offrandes pures, car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Les gens du dehors, quand ils veulent parler de votre Dieu ou à votre Dieu à vous, dont ils ont entendu les échos du nom. Ouais, bah, tu l'as bien là, par écho, un bruit qui s'est dégagé. Le s'appelle tel. Et là-bas, il prie Jésus-Christ. Les gens là craignent ce nom. Et quand ils vont parler à cet être-là, avec tout le meilleur respect et le meilleur état de Dieu. Et ils offrent des offrandes pures. Ils réservent à ce Dieu-là ce qui est meilleur. Considérant que ce Dieu-là mérite mieux. Il est un Dieu exceptionnel. Un Dieu incomparable. Le Dieu adore ceux-là qui vont à ces endroits-là. Mais les sacrificateurs de l'intérieur qui servent Dieu dit sont les premiers à murmurer, à se lamenter. Oh, la table de l'Éternel est méprisable. Et c'est que le rapport est dérisoire. Ils viennent pour offrir à Dieu des offrandes impures. Des choses impures qu'ils donnent à Dieu. Mais ceux qui ne connaissent pas mieux les choses de Dieu, ils n'ont que les échos de son nom. Approchent ce nom avec toute la révélation. Un profond respect. Ça, c'est paradoxal. drôles de scènes. Et jusqu'aujourd'hui, on trouve des païens de dehors là qui ont beaucoup plus de respect envers les choses de Dieu que certaines personnes des milieux chrétiens. Vous vous souvenez de cette femme là aux États-Unis d'Amérique, très loin là-bas. Dans un coin reculé, il avait son fils prêt à mourir. Elle priait Dieu sincèrement. Elle a dit, je suis comme la veuve de Sarepta. Voici mon fils mourant. Oh Dieu, où est ton Eli? Wapi Elia na yo? Où est ton Eli? Wapi Elia na yo? Elle était sincère. Elle n'avait jamais été au Branham Tabernacle. Mais elle avait déjà entendu parler de son nom. Je suis un bruit à distance. Et dit Dieu que servait Branham. Il n'avait pas les moyens pour arriver là où il est. Mais comme Dieu honore ceux qui ont la foi. Il a immobilisé l'avion. Branham devait voyager. Il surveillait l'heure. Et il doit prendre l'avion à telle heure. Et le Saint-Esprit s'est mal à lui dire, sors de l'aéroport. Mais oh! Mais ce sera un scandale. L'argent oh, déjà payé. Le vol, c'est à telle heure. Sors! Bima. Descends. Kita. Il commence à obéir. Abadi Gotos. Comme Dieu est séguilé. Le Polanzam de Azalago et Azali. Bon. Ah. Allez, prends la droite. Et tes heures beaucoup, il y a mobile. Mais Seigneur, l'aide. Peuple. Prends la gauche. Zolo beaucoup à mobile. Avance encore. Kobalissus. Et maintenant, entre par ici. Et tes cotana. Seigneur, mais Kolo. Je vais rater le vol. N'a pas encore. Et puis il est entré. Pendant qu'il approchait, il voit une femme qui était assise à l'entrée de sa parcelle. Dans l'expectative, en train de. Et il a les yeux d'espérance fixés sur l'homme qui venait. Il avait son chapeau sur la tête. Branham lui continue à avancer. Elle le regardait avec un regard de consolation. Elle était sûre que sa réponse est en train d'être exaucée. L'homme vient. Bon, il se doutait de rien. Yeah, comme s'il veut passer. La voix lui dit, entre ici. Il voit la dame qui était là. Moi, qui lui dit. Oh. Et puis elle lui dit, je savais que tu allais venir. Moi, comment tu es revenu? Yo, tu entres ici. Nous avons une situation critique. Mon fils est gravement malade. Les moyens financiers, il n'y en a pas. J'ai prié Dieu toute la nuit. J'ai dit, je suis comme la veuve de Sarepta. Où est ton Eli? Envoie-moi ton Eli. Et il dit, c'est pour ça que je savais que tu allais venir. Et puis, frère Branham lui dit, je suis frère Branham. J'ai déjà entendu parler de ce mais voici la situation. Ok, alors ne craignez plus rien. Branham a ouvert la Bible. Branham il a exaucé un peu. Crayon. L'enfant a été instantanément guéri. Pourquoi? Mon ami. Le Eli de cette femme-là est venu. Et pendant ce temps, il y a des gens qui sont dans les milieux chrétiens. Et jusqu'à présent, ils vont chercher les preuves pour qu'on dise que Branham est Eli. Il y en a même dans les milieux du message. Bon, qui disent oui, frère Branham est prophète, mais quand tu as dit qu'il est Eli, ça c'est trop fort. Je vous dis que dans les milieux du message, il y a beaucoup de groupes de prières. Amen. Des groupes de prières. Rien du message que nous prêchons, que nous croyons. Bon, on parle seulement du nom de Branham là parfois. Et rarement des brochures même de Branham. Tout. Bon, il prêche la Bible comme bon les ressemble. Ils attendent le et ils attendent aussi l'enlèvement. Bon, c'est là qu'on est là. Dieu d'Élie a exaucé cette femme-là. Le même Dieu qui dans 1 roi chapitre 17. Hein? À partir du verset 8, il a descendu. Jusqu'au verset 24. Le même Dieu là. Qui avait conduit Élie. Le Tishbite à Sarepta, Kino na Sarepta dans une ville appelée Sarepta, na mboka oyo ebiangami Sarepta, du pays des Sidoniens. Et na mboka na Sidon. C'est le même Dieu. Et ça, il a conduit Branham vers cette femme verte. Oya kambaki Branham Kino na mosho qui avait son fils mourant. Qui n'avait pas de moyens financiers. Mais Dieu a visité la maison. Et quand Branham a fini, il a couru pour atteindre l'aéroport. Déjà désespéré que l'avion certainement est parti. Il arrive à l'aéroport. Il trouve l'avion encore là. Dans des traînages. Et quand lui est entré, il prend place à bord. Son temps est à côté avant. Allez, l'avion commence les taxis. Et c'est le départ. Dieu est maître des circonstances. Il maîtrise le temps et les circonstances. Ne doutez pas de Dieu quand il vous conduit. Il conduit merveilleusement ce saint. Et il a compris des miracles encore jusqu'à présent. Je crois à la conduite du Saint-Esprit. Je crois que Dieu répond encore aux prières. Je crois que Dieu répond encore. Ça, ça y est dans notre religion. Car notre religion est une religion de Christ. Quand vous verrez le soleil s'élever, dites que le nom de mon Dieu est grand. Et quand vous verrez encore le soleil se coucher, dites que le nom de mon Dieu est grand parmi les nations. Parmi les nations où je suis né, parmi les nations où je vis, parmi les nations où j'adore Dieu, le nom de mon Dieu est tout grand. N'avons-nous pas prédonné Dieu Tout-Puissant? Dernièrement ici on a parlé de Dieu merveilleux cantant. Dieu tout puissant. Quand mon cœur considérera dans les nuages, n'ayez pas ton pouvoir. Oh le ciel, le ciel, qu'elle éclaire ton âme. Les ombres du soir. Attends, de ton manant, Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Amen. Dans les nations, il y a la RD Congo. Amen. Les nations qui sont mentionnées ici, parmi les nations, RD Congo fait partie de ces nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom. Amen. Et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Amen. C'est vrai. Ils allaient bongo. Toi, accomplis cette écriture. Sois de cela parmi les nations. Bien que tu n'es pas juste de naissance, ni israélite de naissance. Sois parmi les nations qui offrent à Dieu des offrandes pures. Mais alors là, en Israël, mais vous, vous les profanez. Non, non, vous allez profaner. Parmi les nations, vous allez faire une gâteau de l'Éternel. Vous les profanez. En disant, la table de l'Éternel est souillée. Et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Serez-vous tenté par ça? Moi, je ne crois pas ça. La table de l'Éternel n'est pas souillée. Amen. La table de l'Éternel est sainte. Mais et la parole du Seigneur qui est servie est sainte et vitale. Ésaïe 55, verset 1 à 3. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Il n'y a pas qu'un pain, mais il y a aussi l'eau de la vie. Et ça, vous dit, pas qui se trouve sur la table de l'Éternel. Et l'eau de vie. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait. Amen. Sans argent, sans rien payer. Amen. Yaka, osomba vignon pe mabeli, na mosolote, na mutuyan pete. Pourquoi payez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Amen. Ponanini, bukosilisaka mosolona, bino e payi, na yango ezalime kole isate. Et votre âme se délectera de mes succulents. Amen. Prêtez l'oreille et venez à moi. Amen. Écoutez et votre âme vivra. Amen. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Mais l'âme qui écoute Dieu est celle qui vivra. Voyez-vous la différence? Toutes les âmes appartiennent à l'Éternel. L'âme du Père comme l'âme du Fils. Mais l'âme qui pêche est celle qui mourra. Mais l'âme qui écoute Dieu est celle qui vivra. Écoutez-moi et votre âme vivra. Jean 5, verset 24. En vérité, je vous l'ai dit. C'est lui qui écoute mes paroles. Et toi, celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. C'est lui qui écoute mes paroles. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. Il ne viendra point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Qui dit amen en vérité? Il est déjà passé de la mort à la vie. L'âme vivra. Et la vie éternelle. Une vie sans fin. Dieu la donne. C'est notre bonne nouvelle. Écoutez-la. Bonne nouvelle. Vous qui n'êtes père plus. Dieu donne la vie éternelle par le sang de Jésus. Écoutez-la, bonne nouvelle, vous qui n'avez Père, plus oui, que donnez-la, vie éternelle, par le sang, le Jésus, amour, amour, amour, pour nous, le c'est moi qui t'attire, amour, amour divin, amour sublime pour nous le roi. Deux rois qui t'allaient cette vêtement est bourré sur la croix. C'est lui qui écoute mes paroles. Et qui croit à celui qui m'a envoyé. C'est là qui a déjà la vie éternelle. Et sous le soleil ici. Sous la terre des vivants. Il a déjà la vie éternelle. Une vie sans fin. C'est garanti, c'est la vérité. Tu ne viendras pas en jugement. Le crâne d'être jugé avec les prostituées, les pites, les magiciens, les fous. Tu n'es plus les régales. Tu n'es plus de ce niveau-là. Tu es déjà arraché de là. Il t'a restitué la dignité de fils de Dieu. La dignité d'enfant de Dieu. Le nom des croyants. Dieu t'a dit. Il ne viendra point en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Est-ce que c'est réglé au-dedans de vous? Mais à l'heure où la mort vous guettera. Même à l'heure où la mort vous menacera. Souvenez-vous de la promesse infaillible ici. Et la caoue quoi ça m'a fait. Ganam un jour était appelé au chevet d'un frère malade. Il contrôle un don de guérison. Dieu qui est souverain, qui a le dernier mot. Qui réserve au don la suite que lui-même trouvera bon. Il a déjà décidé d'amener celui-là dans l'au-delà. Reprenons ma proche. Il devait prier pour lui. Mais le discernement lui montre qu'il ne fallait pas orienter les choses dans le sens de lui annoncer la guérison. Parce que ça, c'était un problème déjà réglé pour lui. Mais il a dit, si vous allez voir, consultez un médecin à cause de votre problème. Il va prendre les stéthoscopes pour examiner l'état de votre cœur, examiner le corps et puis vous dire les diagnostics. Alors il demande frère, Vous souvenez-vous de la promesse de Jean 5, verset 24? Il dit, je crois de tout mon cœur. Ah, il dit, ok. Voilà. Le diagnostic indique que tout est bon. Il n'y a pas à désespérer. Tu crois de tout ton cœur. Celui qui écoute mes paroles. Celui qui m'a envoyé. Il a la vie éternelle. Il viendra pas en jugement. Mais il est passé de la mort à la vie. Le frère crie, Alléluia! Il dit, ok. Quelques temps après, il s'est reposé. Et Branham n'était pas confus pour ça. Vous ne pouvez pas critiquer que Dieu n'a pas agi. Ou que les dons de guérison iraient à Ganangopé. Non. Mon langage est circoncis là, non. C'est Dieu qui est souverain. Il peut guérir sans don. Il peut guérir par la foi. Il peut guérir par son amour. Il peut guérir par la médecine. Il peut guérir par la chirurgie. Il peut guérir de diverses façons. Il est souverain dans la gestion de sa guérison. Et toute guérison est une guérison divine. Car le seul peut guérir la maladie. Voyez-vous la différence? Nous ne craignons pas les conséquences de la maladie dans le corps. Ne craignez pas ce qui peut tuer le corps. Mais craignez celui qui peut tuer et le corps et l'âme. Vous mettre en situation de deux fois mort. Donc tu es mort physiquement. Et quand tu vas dans l'au-delà, tu meurs encore. Doublement mort. C'est Dieu seul qui peut faire ça. Au lieu de craindre les armes. Les paroles des méchants, des détracteurs, des critiques qui ont saboté ta réputation. Qui ne trouve d'intérêt que de parler de ton nom en mal. Oui, c'est parce que tu as une valeur en toi. Comprends que tu es devenu un escalier pour plusieurs. Quand ils veulent monter, ils doivent passer par toi. Donc s'ils ne citent pas ton nom, ils n'auront pas de progrès. Au lieu de te plaindre, comment critiquer. Comprends que Dieu t'a donné des valeurs. Tu es devenu un escalier pour quelqu'un. Pour avoir son succès, il dépend de ton nom. Il doit citer ton nom. Il doit le dire à mal. Pour se donner l'importance. Hein? Oui. Oh, mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui croit ça? Vous les frères, vraiment. Vous croyez vraiment ça, vous les frères? Donc, toi, si tu veux faire de lui ton escalier, donc tu veux aussi monter ou remonter ta réputation en parlant du mal et de lui. Tu ne trouves pas que c'est trop bas ça. Tu es déjà plus haut situé. Amen. Tu es tellement haut situé qu'il ne peut pas s'empêcher de te voir. Par la grâce que Dieu t'a fait. Asa tellement nassé, comment on a gagné? Mais yo, Zamba, c'est au moins l'icolo, comment on a gagné? Il faut attendre comme on a eu. Voilà. On n'allume pas une lampe pour la mettre sous le boisseau. Mais on la met sur la table. C'est ce qui vient de faire voir que la lampe est là. N'est-ce pas que toutes les ampoules sont au-dessus de nous? Pour nous éclairer dans comprenez ces petites choses de la vie. Vous ne ridiculisez pas à cause des moments critiqués. Un tel aussi a dit que moi ceci. Il y a des choses plus importantes auxquelles Dieu veut t'occuper. Que dans les années Et puis, il y a des choses les yeux des canards. Wana mabata na se. Hein? Ma frère na ma sœur mabata. Oui, le canard quand il sent l'air petit là, non? Au moins baba bata son ba ngiba sala ni solo na bango. Lara minogo na bango za bo. Toujours na se. Et là vous venez na se. De bafes. Ma kamba se se zangatina. Toujours là na se. Les albo belé na se. Remonte. Dieu fait de toi un aigle. Jamais à compromis ça. L'aigle non, mais c'est votre pas dans la boue. Pongo, Pongo, ça ne peut pas. Puis moi, les colons à ma cambouana. Zala, les colons qu'on a. Ça m'a pêché. La robe des ciels. Nouvelle hauteur. Pas nouvelle bassesse. J'ai pris toujours. Laisse-moi, Seigneur. Mon Dieu plus bas. Lève-moi, Seigneur. Que je maintienne. Par la foi sur les plateaux des cieux. La plus haute Seigneur. Jamais trouvée. Lève-moi, Seigneur. Au lieu plus haut. Mon cœur n'est d'aide. Frère, est-ce que moi, peut-être que je ne suis pas un chrétien, hein? Aidez-moi à comprendre. Parce qu'on t'a critiqué. Hein? Même si on te méprise. On t'ignore. Si on s'en non encore. N'en souffre pas. Amen. Mon cœur n'est ils sont là, ils abonnent, c'est ça l'abondance. Je prie visant les lieux plus hauts. Et je ne recule pas. Je ne badine pas. Je veux atteindre les sommets et voir l'huile de la Shekina. Avant, le ciel, je prie. Avant de voir le ciel. Priez. Mène-moi là-bas. Vivant ici bas sous le soleil. Et ayant déjà la vie éternelle. Et la sécurité éternelle. Et la joie du salut. Je prie que Dieu m'amène là. Et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. Mais ce n'est pas quoi. ko pakoloye biloko ya zanatina po baye bisekele ya yona Kristo te là où tu es en bon terme avec lui, réconcilié avec lui, ils ne savent pas, ils sont dans les zombies, les bilomelas. On trouve des fois des hommes qui parlent trop comme des femmes. Et efféminés. Et la Bible dit que dans les royaumes de Dieu, les efféminés n'entreront pas. Oubliez le bien, c'est ni balio, mais dans le rôle à Bassoana. Non, là. Pour n'abandonner ça. Kaka, ko, qui paka, ma kambabatu, n'a pas ça, là, filage. Ou, kingali. Eh, Mikolo, y'a d'amoni, y'a une promotion à Moussala, hein. Eh, l'autre, là. Oui. Il pensait me combattre, mais je le dépasse, hein. Et puis, moi, n'a pas mal. Moi, n'a pas mal, Yohan. Et l'efféminé. Wana, penza, bon, moi, si. Ou, d'ailleurs, écoutez pas, ma voisin, qu'on a balamba qui sont solobi. Ah. Bango de Mikolo sont matembele na matembele. Mais na kamwa ki na wole kazuwa nuki tunga. Et puis solo moko besu mwa kuna ko. Il na ralentir mwa makoloboye. Et puis na yuki besu kesu mwa kuna. Donc voilà nous vraiment soso. Eh! Matye ma tungulu na kibi maji. Na sentir tunga. Et moko me posa na beta ta na porte. Baka bela na mwa mwoso moko. Ata mwa lokolo ya pamba. Men na yuki soli. Po na tonga ka bango mingi awa. Mwere ke nungune zagide. Mwa na mwa des histoires comme ça. Bon, c'est un bon goût. C'est un efféminé. Voilà, ça n'a pas moi aussi. Et à Simba Golata, wa, n'a pas été choco. Donc, bah, c'est pas comme ça. Alinga Tela. A comme Michelin, je suis nan. A zo pas quoi la rouge partout. Non, frère. Bon, c'est bon. Les efféminés n'entreront pas dans le royaume de Dieu. Oh, yo, mais bah, les choses sont des femmes, les choses sont aux femmes. Il y a un bas, c'est qu'il y a un bas. Rien qu'on a ma boule d'oreille. J'ai le signe. Azu moko a tienne langue. Ma tomboliye kuna a tienne loko moko. Comme ça quand il parle, il y a un métal brille dans sa bouche. Un homme. Mobali. Souki kuna a kalingi a kangi. Les efféminés. N'entreront pas dans le royaume de Dieu. Pona lola bango nzene kanga. Souka simi parfum. A komi parfumé pendant 20 minutes. Pouf! Pouf! Vous direz qu'on est en train de tabasser quelqu'un là-bas. Lui, il ne fait que pomper du parfum sur les amis. 20 minutes, il est là. Et quand il sort, il pense que tout le monde va attirer l'attention. Attendant, il regarde tout. Il faut souffrir pour rien. Pendant que un garçon qui se parfume trop, il est un efféminé. Amen. Prana malubete mwana mwambali wa lingawotia ba mananasi mingi mwumwaisi la wolanda ye. C'est un efféminé. Mwumwaisi penza ye kolanda ka landa ye. Dieu nous a créé, ce sont les femmes qui veulent la beauté. Il y en a même qui adorent la beauté. Nandenga nzamba. Elles adorent la beauté. Nandenga nzamba. Elles aiment tellement être belles. Elles aiment tellement paraître belles. Si mwye ba lingawotia ba mwamwaki toko. Elle fait faire 10 tours au miroir. Elle fait faire 10 tours au miroir. Ajagina moi un mec qui pose ça pour éternuer. Donc on a moni longue et n'ingani que oh Acholina. Tu dois rentrer. C'est que peut-être j'ai oublié le détail ici. J'ai quelque chose qui est resté. Il est retourné encore mieux. Ajagina sous la tarata. Mais ton qui est vraiment c'est quoi mon fils? Mais il longue il a sauté. Il sauté. Ah il veut encore qui va encore parler. Il sort encore dehors. Ajagina sous. Il fait 5 pas juste sur la tenue. Obélé matambe mitan. Je crois c'est l'ami d'enfance. Mais on prend une longue bébé. Eh bébé hein. Il entre encore. Finalement. Tu cherches quoi? Tu veux plaire à qui en réalité? Il est rentré. C'est terminé. Ah oui, si. Ok. Ça va. Je vois que j'ai changé l'aspect. On éteint là-bas qui moi. Poudre le soir. Tout ça. Bon, il sort. Près des parkings, il veut prendre les taxis bis. Et voilà quelqu'un qui apparaît. Ah, pays où on vit mal, quand on miroir, il oublie qu'il a déjà pris tout là-bas. Nini, la salle nini. Ou mais chaque na yo wana, est-ce que bon, on peut la salle, on peut le miroir. Chaque na yo, oh, mais il y a un compas soukate. Ni, ça m'a ici. Ah, matala n'a rien bien, mais chaque soukou yo, ils ont sa concordance. Et bon, mais harmonie. Yo wana songi. A qui est conscient de ça? Arrivé là-bas à la maison, courant Isaac. Luka Boye, oye si bakuna, oye, plus rien ne marche. Qu'est-ce que vous cherchez? Toutes ces choses sont dérisoires. La Bible dit, la grâce est vaine, et la beauté est trompeuse. La femme qui craint l'éternel, c'est celle-là qui sera jouée. Au lieu de chercher la beauté d'apparence, chercher la beauté de caractère. L'esprit doux et paisible, c'est celle qui adore Dieu. Nous aimons ça, non? Alors, pendant qu'on prêche ça aux sœurs, il y a des frères qui cherchent la beauté. Ces choses-là pour qu'une certaine sœur lui remarque. Il a des idées. Maintenant, il va commencer à faire des choses pour se faire remarquer. Mais arrêtez! Quand le temps des choix viendra, priez Dieu. Que Dieu vous conduise, qu'il réponde à votre prière. Ne dites pas, je veux prier le Dieu de Joseph. Le coup là, il est mon toit, la vierge, comme ça, Zambé, on est là, on peut faire la paix. Non. Ce n'est pas une tradition. Veillons à ces petites choses. Dieu, il nous amène à sa table pour nourrir nos âmes. Et ce qu'il nous sert est délicieux. Ça, là, ça y est dans notre religion. Alors, dimanche, on était en train de se dire ceci. William Branham, identifié comme apôtre et prophète. William Branham, mon ami, le cola, Tomapé, Moussakoli. N'est-ce pas? Bongo. Nous nous sommes dit cela. Tout, mais il nous a dit que la seule et l'unique religion valable, c'est le christianisme. Et le christianisme n'est pas une dénomination. C'est pas une organisation. Mais c'est une personne. Et cette personne, c'est le Christ. Es-tu chrétien? Pour répondre à cette question, il te faut être sûr que Christ est au-dedans de toi. Si la personne de Christ n'est pas à l'intérieur, appelez le Saint-Esprit à nous. Tu n'es pas encore chrétien. Le christianisme, ce n'est pas un nom. C'est une dénomination. Je veux que cette personne soit en nous. Amen. Que cette personne soit en toi. La personne de Christ. Amen. Vous vous rappelez? Amen. Ici, dans les sermons, Christ identifiait le même dans toutes les générations. Du 15 avril 1964. L'une des dernières, vers la fin. Vous voyez, il avait dit paragraphe 36 et 37. Je suis un missionnaire. Dans son enseignement, nous avons dit, missionnaire et apôtre, c'est la même chose. La malakisi totalité. Nous avons distingué ça de quelqu'un qui viendrait aujourd'hui dire je suis missionnaire. Parce que Mutu o ezali ko kende mibembo ya kupalangisa mala mona ntoma ngikombete batali nda batinda mi ezali bo sosole ande ko brana malobi batali lolenga moko. Je suis un missionnaire. Nazali nda mutu mibembo plusieurs fois les tours du monde. Mbala mingi na baluka ki pesa na moko. J'ai été dans toutes sortes de champs missionnaires à l'étranger. Nazala ki na bisika penza ya mibembo ya. Et j'ai entendu les païens. Pena yo kaki bapaka. Les bouddhistes. Musulmans et musulmans à travers le monde, mais il n'y a qu'une seule véritable religion qui existe en fait. Une seule véritable qui a le salut. Qui a le salut en elle. C'est-à-dire quand vous y êtes, vous pouvez espérer avec évidence être sauvé. C'est le christianisme. Nous en avons diverses versions. C'est ce que nous appelons le christianisme. C'est version catholicisme, version protestantisme, version évangélisme, version tralala, version branamisme, l'histoire, je sais pas. L'histoire. Mais il n'y a qu'un seul christianisme. Le christianisme n'est pas une dénomination. Ce n'est pas un groupe de gens. Le christianisme, c'est une personne. Et c'est Christ. Et vous êtes son sujet. Ça mérite d'être martelé. Ça mérite d'être insinué. Et c'est que l'été, quoi t'as pensé dans ma cache? Surtout dans une église appelée tabernacle des chrétiens. N'ingi, koleka kachina, et que l'église, oye bien, gamete, mungombo, il faut que le fond de la pensée soit comprise. Nous voulons qu'en chacun d'adorateurs et de fidèles ici, il y ait Christ présent. N'ingiate, mon dominion, so, oye, awa, tomo kumba melina, et si koyo, ce grand mystère que Paul a annoncé dans Colossiens 1:27. Grand mystère. Christ en vous. L'espérance. L'espérance. Christ en vous. Christ kati na yo. Non pas Branham en vous. Ezali te Branham kati na yo. Christ en vous. Christ kati na yo. Le même qui était en Branham. Yebo komo ta fa kati na Branham avait tellement besoin. Oui, Branham a sa kati na yo. Le même qui doit être en vous. Ezali te yebo kwa re sekreta en soma pe kati na yo. Quand il est là, soki en vous ami wana. Vous avez l'espérance de la gloire. Et ni te na tembo okosala na ngo. C'est la seule et l'unique religion qui a le salut en elle. La personne de Christ. Nous aimons ça. Alors, ici, dans le sermon appelé Jésus sur la scène, prêché le 19 mars 1964, je suis un missionnaire dans le monde entier. Je vis toutes sortes de religions. Toutes sortes de dieux que les gens ont. Des dieux païens. Et illicites. Les dieux que les gens de l'Ibène. Quels sont ces dieux-là? Mahomet. C'est un dieu païen. C'est les humains de grandes foules adorent. Hein? Je veux dire qu'on l'adore pas lui. C'est faux. Il adore sans le savoir. Mahomet. Bouddha. Et Six. Jaïs. Oh, et tout le reste. Et le dieu païen des membres des tribus. Donc, différentes tribus, également leur dieu tribal, le dieu de leur tribu. Mais chacune d'elles, aucune d'elles n'est vraie sauf le christianisme. Chacune d'elles, son fondateur est mort. Et on a la tombe où ils ont été enterrés. Mais le christianisme est la seule qui soit vraie. Parce que son fondateur, notre fondateur, mourut. Donc, William Branham n'est pas dans le branhamisme. William Branham est dans le branhamisme. Il s'inclut dans le christianisme. Donc ceux qui ont fondé le branhamisme, ce sont des perdus, des démoniaques. Qui ne citent frère Branham que par convoitise. Mais dans leur conscience, ils savent ce qu'ils font. Certains d'entre eux sont des grands sorciers. D'autres des magiciens initiés. D'autres des féticheurs patentés. Mais pour trouver la vigilance, ils s'amènent avec des brochures à la chair. Dieu seul sait ce qu'ils font la nuit. Loin de l'écart. Des pratiques sans céleriques. Des invocations des démons. Et des esprits de mort même. Méfiez-vous de ces apparences. Ils savent les choses qu'ils font. Je vous dis la vérité, frère. Ce sont des hypocrites. Ils se cachent derrière un nom célèbre, de Branham ou de Jésus-Christ, ainsi de suite. Mais ce sont des satanistes. Nous avons besoin de la personne de Christ ici. Sans concurrence. Qu'elle soit le suprême. L'unique. L'unique nom. En lui seul se trouve le salut. Voilà. Et tout ce que nous ferons en acte ou en parole, c'est en son nom. Voyez, chacune de ces religions, son fondateur est mort. Et on a la tombe où ils ont été entrés. Mais le christianisme est la seule qui sauve. Parce que notre fondateur mourut. Fui enseveli, mais il est ressuscité. Et nous pouvons prouver qu'il est vivant. Voulez-vous? Nous pouvons prouver qu'il est vivant. À la tombe de Mahomet. Voici presque 2000 années. Il y a un cheval blanc là-bas. On change de garde après un certain nombre d'heures. Dans l'attente que Mahomet ressuscite des morts, et qu'il parcourt le monde à cheval. Pour le conquérir. Mais Jésus est déjà ressuscité des morts. Nous n'avons pas à prier et espérer que notre fondateur ressuscite. Pour prouver aujourd'hui que nous avons raison. Nous pouvons déjà prouver maintenant qu'il est vivant. Tu es malade, il te guérit. Les paralytiques marchent. Les aveugles voient. Les sourds entendent. Notre maladie guérit. Il est vivant. Nous pouvons les prouver déjà maintenant. N'attendre pas des espérances là. Vous allez être flou. Le nôtre est avec nous dans l'église. Il se manifeste encore comme autrefois. Vous voyez? Et ils veulent que l'air ressuscite pour vous. Jésus est déjà ressuscité depuis 2000 ans. Il est ressuscité depuis 2000 ans. Et il est parmi nous ce soir. Amen. Est-ce que tu reconnais ça? Oui, il est là parmi nous. Et notre, ce n'est pas encore prouvé. C'est déjà prouvé. Amen. Et C'est lui qui envoie les apôtres. Voilà pourquoi notre religion est basée sur la résurrection. Et dimanche, vous vous rappelez comment l'Esprit nous a conduits merveilleusement à lire 1 Corinthiens 15. Je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, frère. Dans lequel vous avez cru. Dans lequel vous avez persévéré. Et par lequel vous êtes sauvés. À condition de l'avoir retenue. Dans le même, dans lequel je vous ai annoncé avant tout que Jésus-Christ est mort selon les Écritures et qu'il a été enseveli selon les Écritures mais qu'il est ressuscité de mort le troisième jour toujours selon les Écritures. Un tel évangile chez les musulmans, il n'y en a pas. Chez les bouddhistes, il n'y en a pas. Un fondateur ressuscité. Dont la mort était conforme aux Écritures. Dont l'enterrement était conforme aux Écritures. Et même la résurrection selon les Écritures. Il n'y en a pas là-bas. Allez chez le Branham. Qu'est-ce qu'ils vont nous dire? Que frère Branham est mort selon les Écritures. Qu'il a été enseveli selon les Écritures. Mais qui nous dit de quelle écriture alors? Vous voyez? Jésus, quand il est mort, même les paroles qu'il disait au moment de sa mort, c'était écrit déjà dans les livres. Et lui, Eli, lama sabachthani. Eli, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? C'était écrit. Ils ont pris du fiel. Et ils ont mélangé. Hein? Ils sont venus pour le faire goûter. C'était écrit ce geste-là. Et comment on devait se mettre à briser ses os. Il y avait une écriture en Coran. On lui a percé le côté. C'était écrit. Même la façon dont on l'a percé. C'était écrit dans la Bible. Donc, il est mort selon les Écritures. Et sa tombe a été se retrouver parmi les riches. Il était écrit. Tu n'abandonneras pas ton sein au séjour des morts. Et tu ne permettras pas qu'il voie la corruption. Il devait ressusciter. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché de plusieurs, mon serviteur juste, après avoir sacrifié sa vie, il devait reprendre pour voir les jours se prolonger à l'infini. C'était écrit. Et comment il fait bon? Maintenant, on serait notre précieux frère Branham. Laissez notre frère tranquille. Avec les démons d'idolâtrie qui animent les gens. Quels sont les détails d'écriture que nous avons? Ma commune, à sa mort, à son ensevelissement. Bon, ils disent encore qu'il est ressuscité. Bon, ils ne peuvent pas les dire. Ils vont accrocher à une citation. Nos frères Branham avait dit, si l'on vous dit que vous apprenez que frère Branham est mort, ne le croyez pas. Alors, il s'arrête là. Il n'est pas mort, mais la tombe là, c'est quoi? Cette tombe contient quoi? Est-ce qu'il y a une décoration? Il y a un corps réel qui a été plongé dedans. Et la pierre tombale demeure toujours là, visible. Les frères sont allés dans une visite là-bas. Avec beaucoup de pressentiments. Il y a une colombe qui a survolé la tombe. Ils ont pris la vidéo, ils ont fait le tour du monde avec. Une colombe est sortie, miraculeusement, c'est la colombe de feu, avec une couleur verdâtre. Et ben j'ai pris la chose, j'ai envoyé Frère Franck. J'ai dit, Frère Franck, voilà un peu ce qu'ils disent ici. Qu'est-ce que vous en pensez? La zipa de l'Inguana, la tindeline de Kofrank. Talandenga bande de bâtiments. Vous êtes au courant ou vous n'êtes pas au courant? Oh, il y a des stationne le monde ici. Et j'allais voir ça, qu'est-ce que vous en pensez? Il a dit, bien aimé frère. Alors, vu mon Lingamindeko. La tombe n'a pas. Il n'y a pas eu une colombe qui a été enterrée dans la tombe de Frère Branham. Et aucune colombe n'est pas en sortie. Alors, mon Lingamindeko. Na lili toa wa ono mwone ba ya ndoko brana mwona. Eza ina ebenga toa wa kundaki, pwete ebenga ebima. Donc, pijon mwoko te kubi mwakuna. Kwa bakundaka pijon te. Bakundaka ne frère brana mw. Moutou, aga pijon te. Se fasil non a retene. Amen. Donc, au lieu de dire, on a vu la vidéo, c'est vrai. Et une colombe est sortie. Et on fait tout un bruit autour de ça. Ma tonne ne va dire. Dans cette tombe, on n'avait pas enterré un pigeon. Nous n'avons aucun pigeon à attendre de là. Nous croyons que les morts en Christ ressusciteront. C'est ce que disent les Écritures. Le sujet des morts en Christ. Et parmi les morts en Christ, William Branham est l'un d'eux. Voilà ce que disent les Écritures sur la résurrection de William Branham, non pas de manière particulière pour lui seul, mais de manière collective pour tous les morts en Christ. Amen. Sommes-nous là? Amen. Alors ici dans le sermon, Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Alors, on a lu que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Prêché le 4 juin 1963. Bon, paragraphe 85 et 86. Et je suis un missionnaire. Encore et toujours. J'ai pratiquement prêché dans chaque nation sous les cieux. Sept tours du monde. C'est... Mais j'ai pratiquement prêché dans chaque nation sous les cieux. Là où ses pieds n'ont pas foulé littéralement, les bandes magnétiques sont arrivées. Alors, il vous dit, j'ai pratiquement prêché dans chaque nation sous les cieux. Et j'ai fait 7 tours du monde. Et j'ai vu toutes sortes de religions. Je suis tenu devant les sorciers. Et chaque culte. Et je pense qu'il existe. Il a affronté chaque genre de culte qu'il y a sur la terre. Il fallait que l'autorité du Seigneur affronte. C'est un serviteur mandaté et confirmé. Et cependant, chacun d'eux, les bouddhistes, les musulmans, les sikhs, les jaïs, quoi que ça puisse être, ils ont tous un fondateur. Et chaque fondateur est mort. Ils peuvent indiquer sa tombe. Là où il repose. Et là sont ses os. Dans sa tombe là, il y a les os de cet homme là. Mais le christianisme a une tombe vide. Il vit. Amen. Et la bonne chose à ce sujet, il prouve qu'il est vivant. Et il est ici maintenant. Vous voyez, maintenant, c'est là qu'un chrétien peut se reposer. Sur le fait que nous savons que toutes les autres tombes sont pleines. Mais pour celle-ci, il tombe vide. Comme l'ange avait dit, il n'est pas ici, mais il est ressuscité. Et nous allons annoncer cette bonne nouvelle aux frères. Et il est ici. Le même hier, aujourd'hui et éternellement. Nous croyons, non? Notre religion est basée sur la résurrection de Jésus-Christ. Cela est tellement important, capital, indispensable. Et sans cela, alors notre foi est vaine. Et c'est ce qui serait très dangereux pour nous. Mais notre foi n'est pas vaine. Dans 1 Corinthiens 15, il est écrit ceci, verset 13. Donc, prenons à partir de verset 12, jusqu'au verset 19. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité des morts, pourquoi quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection des morts? Dans les milieux chrétiens, les églises qui en habillent, qui ne croyaient pas, que les morts étaient ressuscités. Ce qui Christ a sa colama qui était, a ses quoi qui kati na bakoufi. Pour nani ni babou sous kati na bino balobi été, disait quoi na bakoufi, ils habitaient. S'il n'y a point de résurrection des morts, Christ non plus n'a point ressuscité. Ce qui n'est, disait quoi na bakoufi, ils habitaient. Mais Christ a sécurité. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Donc n'a pas de contenu. C'est du vide. Et votre foi aussi est vaine. Votre foi là, c'est du vide. Il n'y a pas de contenu. Sans que Christ a sécurité, que Sakola n'a pas de pamba. Qu'on dit Manabino Père, ils allaient pamba. Donc le fondement, le fond de fond de notre vie chrétienne, c'est la résurrection de Jésus-Christ. Et s'il est ressuscité, il doit se manifester. Non pas qu'il racontait une histoire, seulement une histoire qu'il était ressuscité. Il doit se manifester. Dans ta vie, dans ton témoignage, dans ton expérience, dans le quartier où tu vis. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Et votre foi aussi est vaine. Sans que Christ soit sécurité, au sacolanabis, ezali pamba. Kondimanabino, ezali pamba pé. Parler de frère Branham, parler de frère Franck, parler de frère Joseph Branham, tout ça serait du vide. À la base, il faut que Christ soit d'abord ressuscité. C'est ça le fondement de notre religion. Et qui la distingue de toutes les autres. Il se trouve même que nous sommes des faux témoins si Christ n'est pas ressuscité. À l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il ne l'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, nous serions de faux témoins. Parce que d'attacher le nom de Dieu dans une aventure de résurrection d'un certain Jésus, alors ce n'est pas le cas. Donc, quand est-ce que vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous avez dit, vous car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Même quand vous allez dire que Branham est Dieu, si Christ n'est pas ressuscité, c'est vain tout ça. Vanité de vanité. Il faut à la base que le Jésus-Christ soit ressuscité. Et s'il est ressuscité, il doit se manifester. Dans vos vies, dans votre témoignage. Lui, pas quelqu'un d'autre. S'il est ressuscité, il doit donner des preuves. Oh, mes amis. Il dit, et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine, vous êtes encore dans vos péchés. Et par conséquent, aussi ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Regardez une telle chaîne, vraiment. Ça la légère, vraiment. Jésus-Christ est mon unique. il est exceptionnel. Pour conclure cette pensée, c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Notre espérance va dans l'au-delà. À cause de la résurrection des morts. Sarah y a cru. Abraham y a cru. Pourquoi pas nous aujourd'hui? Ils ont une foi du même genre que nous. Ceux-là qui ont servi Dieu sous le sang des boucs et des taureaux dans l'Ancien Testament. Ici dans Actes des Apôtres chapitre 1er, nous trouvons encore une vérité qui revient là. Verset 3. Après qu'il eut souffert, il leur apparut vivant. Et leur en donna plusieurs preuves. Amen. Plusieurs preuves. Se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Amen. Il est effectivement ressuscité. C'est vrai. Bongo. Et il leur a donné plusieurs preuves. C'est ça qui bango ndanga meke. Comme quoi il est ressuscité. Connaître à signe de quoi c'est quoi. Que Dieu soit loué pour ça. Zambé azolokumu pona yango. Et s'il est le même jusqu'à présent. C'est quand zalolenga makoki no sasa. Nous avons pareillement besoin de plusieurs preuves. Tous les peuples bosenga yaba ndanga meke. Pas seulement d'un discours creux. Oh yes, wana, c'est quoi naïe, alléluia. C'est ce quoi. Nous avons nos problèmes aujourd'hui. On n'y voit pas de solution. Mais qu'on continue à parler d'un Jésus ressuscité il y a 2000 ans. Nous voulons l'impact de ça dans nos problèmes aujourd'hui. Amen, amen, amen. Encore un peu de temps. Moi, tant qu'on m'a moqué. Le monde ne me verra plus. Mais vous. Kasibino, vous me verrez. Car je vis. Vous vivrez aussi. La vie qu'il avait. Et c'est bon, que mon rédempteur est vivant. J'espère qu'il se lèvera un de ces jours. J'espère qu'il fera quelque chose. Il n'empêchera point. Il se lèvera en son temps. Il affrontera l'adversité. C'est lui Dieu qui fera ça. Il a créé le forgeron. Il a créé la lumière. Mais il a fait exister les ténèbres. Il a créé le forgeron qui fabrique une arme. Mais il a créé également la chose qui détruit l'arme du forgeron. Dieu est complet. Il n'y a rien qui puisse le dépasser. Et pour lequel vous direz, oh, on n'en fait plus. Esaïe 45, verset 7. Je forme la lumière et je crée les ténèbres. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Moi, l'Éternel, je fais toutes ces choses. Il faut qu'on banga molili. Mais banga ka pepole. Oh, si tu molili, vous voyez, on banga makas. Oh, le kiti molina kokokate. Oui, bina bakuluna. Banga pepole. Pour oya keli, ba tenebre, azali le même akela pepole. Amen. S'il peut te garder dans la lumière, il te gardera aussi dans les ténèbres. Parce qu'il est dans le monde, dans toutes les situations. Je donne la prospérité et je crée l'adversité. Nous allons compter sa bonjour, il peut la possibilité de. À Tombolio, à Pambolio, à Télémissirobe, Banguna. Batozua, Batosongi Songi. Kobanga songi songi te, kobanga batozua te, yeba ke oyo, apesa ki prospérité, apesa ki na motema bolingo. Amen. Donc on a sa apesa ki kobanga te gino se kokima. Le celui qui avait donné là, il savait que l'adversité va venir, il prendra soin de vous. Amen. Esaïe 54. Esaïe 54 ici. Verset 16 et 17. Oh non, commençons verset 15. Si l'on forme des complots, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera sous ton pouvoir. Tana, attends que ma koyangana, il faut se la prendre en gaieté. Mais oyo, a koyangana, a koté le melayo, a koko yam pona yo. Voici, je vais créer l'ouvrier qui souffle le charbon au feu et qui fabrique une arme par son travail. Mais j'ai créé aussi le destructeur pour la briser. Sala, ngai na sala ki motuli, ye oye akope paka moto na makala, mpe akubimisaka esale limpona, mosala na ye. Ngai pe, na sali mo bebi si pona ye, a bebi se la ye, nye. Tout arme forgée contre toi sera sans effet. Et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Voyez que notre religion est la seule qui possède le salut. Le salut vient de qui? Personne de Dieu lui-même. Tel est le salut qui leur viendra de moi. La personne de Christ. Il est Dieu béni éternellement. Christ est Dieu béni éternellement. Et c'est la même personne qui parle ici. Elle parle à Israël, elle parle au peuple de Dieu, elle dit la même chose à présent encore. Et c'est lui seul qui vient le salut. Remontons au verset 5. Car ton créateur est ton époux. L'Éternel des armées est son nom. Et ton Rédempteur est le Saint d'Israël. Il est seulement Dieu de toute la terre. Où que tu sois, où que ta main te voyage, où que tu vives dans ton sort, il est Dieu de toute la terre. En tout lieu. Offre l'encens en son nom. Et en son honneur. Adore-le. Descends de tes prières. Attaque les pensées plus. Sans colère. Ni mauvais soupçon. Attaque les pensées. Parle à Dieu, il t'écoutera. Et le parle à Dieu, il te répondra. Vous aimez bien? Voilà une des vérités prêchées par le missionnaire William Branham. La religion chrétienne, la nôtre, est l'unique qui existe dans les faits et qui soit vrai. Son message évangélique et missionnaire mérite d'être répété partout. Ceux qui nous distinguent des autres, c'est la résurrection de Jésus. Quand il n'était pas ressuscité, oh, nous ne serions même pas justifiés. Romains 5, verset 1. Oh, non. On commence là au chapitre 4. Chapitre 4. Au sujet d'Abraham, qu'est-ce qui est écrit? Verset 19 à 25, et puis nous prendrons le chapitre 5, verset 1. Romains 4, verset 19 à 25, et puis Romains 5, verset 1 et 2. Et sans faiblir dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne douta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi, donnant gloire à Dieu. Amen. Et ayant la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé, c'est à cause de nous à qui cela sera imputé. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts, Jésus notre Seigneur, qui a été livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Amen. Voilà. Atikaji kondimate. Atakanishiye ete, zoto na ye esinige kukufa. Zambi azalaki pene pene na bilanga mokama. Mpe ete libumu na sala esili kukufa. Abetaki elaka na zambi tembete kasi. Akemba ki mingi kati na kondima. Apesaki zambi kembo. Andimaki na motema mobimba ete, zambi akukiko sala yango esili ye kolaka. Yango wana zambi atangali ya kondima na ye lopola kuhengebene. Ne maloba yango etangeli yete makomi bobele bongo pona yete kasi pona biso lokola totangela pe biso yango wana ekondima kabisa ye oyo atekisa ki Yesu mpono na biso kati na bakufi po akambami mpona mabunga na biso mpe akambami akambami mpona mabunga na biso mpe asekwa ki mpona elonga na biso. Notre justification ne pouvait même pas exister. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité. Quelqu'un s'élève, commence à vous expliquer. Frère Branham a expliqué la justification comme ceci. Oh, gloire à Dieu, c'est vraiment clair et tout. Toutes ces explications-là, la justification, concernant dans le message et tout ça, c'est vain. Si au départ, Jésus-Christ n'était même pas ressuscité. Donc la religion chrétienne serait vaine. Et elle serait tout aventurier. Et elle serait tout aventurier. Un tonneau vide, ça veut dire. Tout pouvoir pour penser. Il fallait avant tout. Le représentant de notre religion qui fut mis à mort. Ressuscite d'abord. Pour prouver que Dieu confirme les promesses. Il est celui qui accomplit les promesses. Très fidèle à ses promesses. Même face à la mort, il n'a pas reculé. Donc notre justification n'aurait même pas existé. Et là, son fondement dans la religion. Et Jésus-Christ est ressuscité entre autres pour notre justification. Voilà. Maintenant c'est lui qui croit à son évangile. Fondement de fondement. Sans quoi tout le reste est crevable. Alors William Branham identifié comme un apôtre. Il dit ça au monde entier. Il est missionnaire dans le monde entier. Il n'a pas prendre la question que vous l'entendez. Il est l'unique qui soit vrai. Il est l'unique qui existe vitalement. Car c'est la personne de Christ. Tous les espoirs sont en lui. Dieu rassemble tout en lui. Et tout en son nom. Et tout en son nom. Et par ailleurs. Vous avez tout pleinement en lui. C'est le chef de toute domination. Et de toute autorité. C'est lui. Bien. Lui, non, non. Et tout en tout. Lui, Yemea. Plénitude de la divinité. Oui. Le Dieu de gloire manifesté. Oui. Le ressuscité le troisième jour. Oui. Le roi de gloire. Il a été humilié. Mais il est revenu à la vie. Devenu intouchable. Intouchable. Vous croyez? Maintenant, Romains 5, verset 1 et 2, comme annoncé, nous terminons par ça. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, amen. Nabongo, et si nous sommes colonnes, nous allons la condamner. Nous allons la kimia liboson, nous allons pas dans colonne avec Jésus-Christ. À qui nous devons d'avoir eu par la foi accès à cette grâce dans laquelle nous demeurons fermes et nous nous glorifions dans l'espérance de la gloire de Dieu. C'est vrai. Non pas naïe, quatre na condima. Tosinzela ya ko belema na ngolo. Tosali ko telema wana. Tosali mpe ko sepere na elikia na tembo na Zambie. Êtes-vous là? Et ici dans Galates 2, au verset 8, car c'est lui qui a fait de Pierre l'apôtre des circoncis, a aussi fait de moi l'apôtre des païens, et au temps de la fin, nous avons un apôtre qui a pour mission de rétablir les choses dans le cadre de son ministère prophétique. Amen. Le même message de Jésus-Christ, un apôtre comme Paul, envoyé aujourd'hui pour ramener les mêmes vérités. Et s'il n'avait pas prêché comme Paul, il devait être anathème maudit. Mais c'est prouvé que prêche Brana, c'est le même que Paul a prêché. Brana me bénit. Brana me bénit, c'est soit maudit. De vomir les bêtises de Branami. Pour croire à l'ancien évangile. Moi j'aime l'ancien évangile. Branami aimait ce vieil évangile. À la Saint-Paul. Et le réveil à la Saint-Paul. Dans l'ancien monde. Quand il est allé même dans l'au-delà, nos frères qui nous ont prédécédés, ils sont sombrés là-bas. Hein? Il dit, est-ce que Paul sera jugé? Alors, Paul, on ressemble ça, oui, mmh. Tous les conducteurs seront jugés. Alors, Branham dit ceci, si ceux de Paul entreront, les miens aussi entreront. Car j'ai prêché exactement ce que Paul et Pierre avaient prêché. C'est prouvé, n'est-ce pas? La seule religion et la conscience exceptionnelle de la résurrection de Jésus-Christ. C'est un message apostolique. Paul l'a porté. Paul l'a porté. Paul l'a porté. C'est toujours l'ancien Saint-Esprit et Satan ne peut l'approcher. C'est pourquoi le peuple l'écrit. Il est si bon pour moi, et donnez-moi la paix. Pour l'évangile, donnez-moi la paix. Pour l'évangile, donnez-moi la paix. C'est l'évangile. Il est si bon pour moi. Ah oui, donnez-moi la paix. Pour l'évangile, donnez-moi la paix. Pour l'évangile, donnez-moi la paix. C'est l'évangile. Il est si bon pour moi. Il mettra paix à tes mensonges. Il te sauvera de la mort. Il sera sans paix le démon. Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Nous aimons ton nom, il est tout grand. Parmi les nations où nous vivons, ton nom est grand. Reçois de notre part des offrandes des prières offertes sans colère ni mauvaise pensée. Avec des pensées pures. Par les humains qui élèvent les mains à toi. En tout lieu comme tu as ordonné. Par l'apôtre Paul. Qui seront les Écritures. Aide chacun de nous à ne pas parler mal de toi. À ne pas se décourager. Ni avoir un langage négatif. Au sujet de Dieu et de ses interventions. Pardonne-nous toute parole déplacée. Tout sentiment faux. À l'égard de ta personne. Pardonne-nous et lave-nous, Seigneur Jésus. Dans l'expérience du salut à chacun. Que Car c'est de toi seul que vient la véritable espérance. C'est de toi seul que vient la vie éternelle. Et c'est par cette vie que nous espérons vivre éternellement. Et nous offrons nos prières, écoute-nous. Prends soin de tes élus, de tes croyants, de tes fidèles. Entretiens notre foi. Que la mûre, Seigneur, pour produire de meilleurs fruits. Chemin faisant. Toi le ressuscité. Yo, c'est quoi? Fais-nous vivre de ta vie. Vivifie la foi de chacun. Ça, comme tu avais vivifié la foi d'Abraham. Donne raison à cette foi. Quelle que soit la durée du temps. La foi d'Abraham triompha. La foi d'Abraham gagna du terrain. La foi d'Abraham eut raison. Tu es le Dieu de la résurrection. Nous t'aimons Seigneur. Entends le cri de chacun de nous. Dans le secret de son cœur. Dans l'expression de ses lèvres ce soir. Entends et fais justice. Entends et donne suite à chacun. Pour qu'il y ait la joie permanente. Car notre religion est une religion de joie. C'est une religion qui a un consolateur. C'est Jésus-Christ le ressuscité. Qui nous veut joyeux tout le temps. Console-nous dans nos esprits. Multiplie-nous les victoires. Que son nom soit grand par nous. Multiplie dans la vie de chacun de nous. Nous puissions abonder en cela. Fais-nous monter plus haut. Dans les hauteurs. Au sommet de la spiritualité. Retire-nous des bassins. Toutes les spiritualités mondaines. Nous voulons être comme toi, Jésus. Chaque jour il passe. Au nom de Jésus-Christ, Dieu de vérité, nous prions ainsi. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Que le nom du Seigneur soit glorifié.